chers auditrices et auditeurs de Radio Sanganiélo, bienvenue à l'édition de la mi-journée de ce lundi 28 novembre 2022. Voici d'abord le sommaire. Les palmiculteurs et les producteurs d'huile de palme ont un délai d'une semaine pour réorganiser le gardiennage de leur palmeraie ainsi que le transvasement de l'huile de palme pour sa vente. Décision prise par le gouverneur de Lomongué l'après-midi de ce dimanche. Dans cette édition, vous entendrez l'émission de l'Ombudsman dont l'une de ses missions et d'examiner les plaintes, mener les enquêtes en matière de violation des droits de l'homme commises par un agent de la fonction publique ou judiciaire. Et comme tous les lundis, vous aurez droit à la chronique sport. Ça sera sur l'arbitrage du sport de rallye. Une deuxième partie, nous sommes venus à Anna sur la mise en onde. Et la présentation, vous êtes avec Ornella Mocho. Page sport pour débuter cette édition. Le championnat de rallye qui se déroulait ce week-end en Ngozi a été remporté par un Burundais du nom de Bukera Valérie, secondé par un Rwandais David Giancarlo. La troisième place est revenue à Mohamed, ayant ainsi lui aussi représenté le Burundi dans cette compétition automobile. 9 sur 14 équipages en compétition sont arrivés en finale ce dimanche sur le terrain de Viegua. Ce championnat de rallye d'Ngozi a vu la participation de deux pilotes rwandais, mais avec des copilotes burundais. Différents prix constitués de billets d'avion, coupes et médailles ont été donnés aux meilleurs compétiteurs. Les amateurs de cette course automobile saluent l'organisation faite sur cette édition, particulièrement dans la préparation de routes parcourues par ces derniers. Le Burundi a été désigné officiellement à cette occasion pour arbitrer le championnat d'Afrique de rallye l'an prochain 2023. Toujours dans cette rubrique, cette fois-ci dans la chronique sport, les arbitres de sport de rallye attribue les points et se réfère sur le règlement international régissant ce sport. Ado Negamiye, directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles, fait savoir que les lois se trouvant dans ce règlement doivent être modifiées pendant la réunion de la Fédération internationale des clubs automobiles qui se tient trois fois l'an par an. Détail avec Marie-Claire Cadeneda. Les officiels du sport de rallye collaborent avec les contrôleurs et ces derniers font des visites sur terrain avant le déroulement de chaque rallye. Ado Negamiye, directeur des courses au sein de la Fédération des clubs automobiles au Burundi, nous en donne des explications. La réglementation dans le sport automobile peut être ajustée ou corrigée, mais ceci est fait souvent durant le Conseil international de sport automobile qui se déroule trois fois par an. C'est dans ce conseil que la réglementation peut être ajustée, peut être corrigée ou une nouvelle réglementation peut être adoptée. Ces officiels doivent suivre des formations en ligne ou des formations par le biais de la Fédération de l'automobile d'Angleterre. Lors des rallyes qu'on organise ici au pays, les officiels, quand ils sont dans un rallye, ils travaillent avec les contrôleurs. Souvent, ces officiels ainsi que les contrôleurs font des visites sur terrain avant chaque rallye et aussi ils effectuent des formations avant qu'on organise un rallye. Et souvent, ces officiels sont ceux qui sont responsables pour la sécurité routière. Ils sont responsables d'indiquer les spectateurs là où ils devront aller lors d'un rallye. Selon ce directeur des courses au sein de la Fédération des clubs automobiles au Burundi, la réglementation dans le sport de rallye peut être corrigée durant le Conseil international du sport automobile. Mais aussi souvent, les officiels qu'on a ici au pays, ils poursuivent aussi des formations en ligne ou des formations par le biais de la Fédération de l'automobile de l'Angleterre qui sont nos partenaires durant les formations qu'on effectue ici au pays dans le domaine de rallye. Ado Negamiye indique que ce Conseil international de sport automobile se tient trois fois par an. Merci Marie-Claire Kadzene-Zalambousmane, une institution chargée de la médiation entre les administrations et les citoyens. Cela ressort de l'article 2 de la loi du janvier 2013 portant révision de la loi du janvier 2010 portant organisation et fonctionnement de l'Ombudsman. Cette loi précise qu'une de ses missions est d'examiner les plaintes et mener des enquêtes en matière de la violation des droits de l'homme commises par un agent de la fonction publique ou judiciaire. Vestine Boutoui. Dans cette loi du 24 janvier 2013 portant révision de la loi du 25 janvier 2010 portant organisation et fonctionnement de l'Ombudsman, son article 2 précise que l'Ombudsman est une institution chargée de la médiation entre les administrations et les citoyens, ainsi que du contrôle du bon fonctionnement des entités administratives. Son article 6 précise les missions de l'Ombudsman, entre autres examiner les plaintes et mener les enquêtes concernant les fautes de gestion et les violations des droits de l'homme commises par des agents de la fonction publique, du judiciaire, des collectivités locales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public, faire des recommandations à son sujet aux autorités compétentes, exécuter à la demande du président de la République des missions spéciales de rapprochement et de réconciliation sur des questions générales concernant les relations avec les forces politiques et sociales, exécuter à la demande du président de la République des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau régional et ou international, jouer un rôle d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration publique. L'article 8 de la même loi révèle que l'Ombudsman est une autorité indépendante. Dans les limites de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. L'Ombudsman ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Quant à l'article 17, l'Ombudsman adresse annuellement un rapport de son activité au président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il peut en plus présenter des rapports trimestriels et intermédiaires s'il estime utile. Le rapport de l'Ombudsman est publié également dans le bulletin officiel du Burundi. L'Ombudsman peut être entendu par l'Assemblée nationale, soit à sa demande, soit à la demande de cette dernière. L'article 20 montre que l'Ombudsman a un rang et avantage reconnu à un ancien chef d'État. Et l'article 7 évoque que l'Ombudsman est nommé pour une période de 6 ans non renouvelable. Merci Vestine Boutoui. Selon l'acteur politique Tassian Siwomana, l'institution de l'Ombudsman n'a pas honoré ses missions comme souhaité par les signataires de l'accord d'Arusha, lesquels ont proposé la mise en place de cette institution. Il le dit après l'élection du troisième Ombudsman le 17 de ce mois en cours. Suivez-le. Les objectifs que recherchaient les signataires de l'accord d'Arusha étaient essentiellement une administration saine au niveau politique, une bonne gouvernance politique, économique, sociale et financière. C'était enfin l'instauration d'un état de droit basé sur les valeurs de démocratie, du respect des droits de la personne humaine et d'autres valeurs universelles. Compte tenu des objectifs ci-cités, compte tenu des missions que je viens de vous énumérer, faut-il vraiment répondre par l'affirmative que l'institution d'Ombudsman joue le rôle qui lui avait été assigné? Je n'ai pas peur de répondre par la négative. Cette institution ne joue pas correctement le rôle qui lui avait été assigné. Pour des raisons, c'est très simple. D'abord, les signataires de l'accord d'Arusha l'avaient voulu comme une institution indépendante. Il avait voulu que cette institution soit dotée d'un homme irréprochable, d'un homme qui n'est pas le militant de grand chemin d'aucun parti politique. Est-ce que réellement, un jour, vous auriez été informé des enquêtes qu'aurait menées cette institution pour déceler les fautes de gestion, pour déceler les violations des droits de l'homme des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du secteur judiciaire? Et pourtant, ces violations sont légion. Mais ne fût-ce qu'une simple déclaration, je ne l'ai jamais entendu de la bouche de l'Ombudsman. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les palmiculteurs et les producteurs d'huile de palme ont jusqu'au 5 décembre 2022 pour réorganiser le gardiennage de leurs palmiers et le transversement de l'huile de palme pour sa vente. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Lumonge, a pris cette décision l'après-midi de ce dimanche après la suspension des associations qui opéraient dans ce secteur. Au terme des réunions organisées à Busebo et à Kalunda, en commune et province de Lumonge, certains palmiculteurs ont accusé publiquement ces associations d'être des voleurs de régime de palmiers ou exigent des conditions difficiles dans le paiement. Actualité internationale, des islamistes Shebab ont attaqué dimanche un hôtel près du palais présidentiel à Mogadiscio, indiqué la police somalienne. Des témoins qui ont fait état d'explosions et de coups de feu dans le centre-ville. Et selon le site internet de RFI, s'imprégner à un hôtel ou loge de nombreux officiels. Plusieurs ministres ont été ainsi blessés. De son côté, l'ATMIS, la nouvelle force de maintien de la paix, conduite par l'Union africaine en Somalie, a écrit sur le compte Twitter qu'elle condamnait fermement l'attaque terroriste contre l'hôtel Villa Rosa. Elle exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de Somalie. Ainsi s'achève cette édition, mais le rappel des titres. Les palmiculteurs et les producteurs d'huile de palme ont un délai d'une semaine pour réorganiser le gardiennage de leur palmeraie ainsi que le transversement d'huile de palme pour sa vente. C'est une décision prise par le gouverneur de Lumonge. C'était l'après-midi de ce dimanche. Dans cette édition, vous avez entendu l'émission de l'Ombudsman dans l'une de ses missions d'examiner les plaintes et mener des enquêtes en matière de la violation des droits de l'homme commise par un agent de la fonction publique ou du judiciaire. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue régionale. Actualité régionale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette actualité régionale. Débutons cette actualité avec la RDC où le président du mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba, a appelé samedi 26 courant la population congolaise à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans ce contexte sécuritaire caractérisé par des combats entre l'armée et les rebelles du M23. Dans un communiqué, le président du parti politique MLC dit apporter tout son soutien indéfectible au FARDC et à la police nationale congolaise qui ne ménage aucun effort en vue de défendre l'intégrité du territoire congolais, lit-on sur Okapi. Toujours en RDC, le M23 a déclaré que l'annonce du cessez-le-feu faite la semaine dernière ne s'applique pas à eux, tout en appelant à des pourparlers directs entre lui et le gouvernement de la République démocratique du Congo, écrit le journal Kenya Taifa Leo. J'ouvre les guillemets. Le M23 a vu l'annonce sur les réseaux sociaux. Il n'y avait personne dans cette réunion des dirigeants du M23, donc cela ne nous concerne rien. Je ferme les guillemets, a déclaré Laurence Kanyuka, qui est le porte-parole politique du mouvement M23. Je cite, habituellement, l'accord de cessez-le-feu concerne les deux parties au conflit. Fin de citation, a-t-il ajouté. Actualité régionale. Les Kenyans à la recherche d'un passeport devront attendre longtemps pour obtenir ce document suite à la pénurie délivrée de passeports au département de l'immigration. Dans les colonnes du quotidien Taifa Leo, le directeur général du département, Alexandre Muteshi, a déclaré qu'ils avaient besoin de 150 millions de shillings pour acheter les livrets d'impression des passeports. Muteshi a déclaré au comité sénatorial sur la sécurité et la défense que son département avait demandé au Trésor national d'allouer 300 millions de shillings pour numériser ses opérations, mais la moitié de ce montant a été accordée. En Ouganda, selon le journal de Monito, 94% des conducteurs de motos de transport en commun n'ont pas de permis, citant Kampala Capital City Authority. Au total, 39 000, soit 94% des 42 000 conducteurs des motos enregistrés au port sans permis de conduire dans la ville, a déclaré la Kampala Capital City Authority. Il a en outre été établi que sur un total de 42 000 motos comptées, seules 157 d'entre eux remplissaient toutes les conditions requises pour exercer des activités de transport public. Terminons cette actualité régionale par le journal Mwananchi. Le défi d'obtenir de l'eau potable dans le village de Chihangu, situé dans le district de Newala, a obligé les patients soignés au centre de santé Chihangu à laver leurs vêtements d'hôpital avant de sortir. Un habitant du village de Chihangu, Moussa Kadjana, a déclaré que le problème de l'eau a amené les patients à laver eux-mêmes les vêtements lorsqu'ils sortent après leur admission afin qu'ils puissent les laisser propres à l'hôpital. Certains patients ont refusé d'utiliser les draps là-bas à cause de la saleté causée par le manque d'eau. C'est par ici que nous mettons un point final à l'actualité régionale. Merci de l'avoir suivi. Elle vous a été présentée par Moïse Misago et Lydia Gaimbalé. Au revoir. Actualité régionale.